l'occasion manquée, le mauvais choix, une valise et l'on s'en va. On refait sa vie du mieux qu'on peut, on croit même qu'on est heureux. Nous nous sommes aimés assez longtemps pour savoir que c'est du vent. Les années perdues sont les plus belles, j'en attends si peu des nouvelles. Je n'oublie pas, tu vois, et nos gestes et nos sourires. Si tu es seul, un peu trop seul, et si tu voulais me le dire. On se croit mieux ailleurs, loin des yeux, loin du cœur. Ces vérités-là me font peur. S'il y a des fins qui nous libèrent, il y en a d'autres où l'on se perd. Le premier amour est toujours le plus fort, il reste la rive et le port. Est-ce que tu dis toujours non quand c'est oui? Les chambres à part, chacun son lit. Je n'oublie pas, tu vois, et nos gestes et nos sourires. S'il fallait bien qu'il y ait une fin, nous avons choisi la pire. Mais si tu crois comme moi j'y crois, hier c'était l'avenir. Si tu es seul, comme je suis seul, le passé pourrait revenir.